Au sport. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine division 2, Louis-Saint-Laurent affronte l'École Montignac à Louis-Saint-Laurent le 26 mars à 18h. L'équipe est à Sherbrooke pour affronter le Triolet le lendemain à 18h. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculin division 2, Louis-Saint-Laurent est à Lac-Mégantic pour 3 matchs le 28 mars. Ses adversaires, l'École Montignac à 9h, la Montée Saint-François à 11h15, et Séminaire de Sherbrooke 2 à 13h30. Dans la Ligue de soccer cadet masculin division 3, Louis-Saint-Laurent dispute 3 matchs à la maison. Les adversaires, l'École Dufort à 9h, l'École Montignac à 13 et 15h.